Cette signalisation indique que je dois céder le passage à la circulation en sens inverse. C'est le cas ici puisqu'un véhicule en face est déjà engagé. Les usagers en sens inverse ont rencontré ce panneau. Réponse B.